Le mardi 23 mai, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le gouvernement fédéral s'allie avec 3E événements afin de célébrer les 150 ans du Canada le 1er juillet prochain. Les deux frères Alex Nevsky, Metric et Billy Talent monteront sur la grande scène des Plaines d'Abraham pour donner un concert gratuit à l'occasion de l'anniversaire de la Confédération. La soirée se conclura avec un feu d'artifice. Le ministre fédéral de la Famille, Jean-Yves Duclos, a annoncé plus tôt ce matin un investissement de 750 000 $ dans cet événement. La journée sera par ailleurs marquée par diverses activités familiales et protocolaires, comme c'est le cas chaque année. Les 1500 ingénieurs de l'État québécois entreront en grève dès minuit ce soir. Leur syndicat se dit insatisfait de l'avancée des négociations avec le gouvernement du Québec qui dure depuis 3 ans. Les ingénieurs réclament des augmentations salariales de l'ordre de 20% ainsi qu'une meilleure rétention du personnel. Le syndicat évoque ouvertement la commission Charbonneau qui recommandait de relever l'expertise des ingénieurs du gouvernement afin de lutter contre la collusion et la corruption dans l'industrie de la construction. Régis Labeaume s'est dit solidaire ce matin de la nouvelle épreuve que doit surmonter le peuple britannique au lendemain de l'attentat terroriste à Manchester. Le maire de Québec n'a pas caché sa sensibilité face à ces événements qui ne sont pas sans rappeler l'attaque contre la mosquée de Sainte-Foy en janvier. Il a révélé avoir écrit une lettre au maire de la deuxième plus grande ville de l'Angleterre afin de lui présenter ses condoléances. Rappelons qu'un attentat suicide revendiqué par le groupe armé État islamique a fait 22 morts et une cinquantaine de blessés, dont de nombreux enfants, dimanche soir à Manchester, à la sortie d'un concert de la chanteuse Ariana Grande. Enfin, Régis Labeaume fera une annonce cet après-midi portant sur la consultation publique et la constitution d'un comité consultatif sur la mobilité durable. Le maire de Québec donnera vraisemblablement suite à sa promesse il y a un mois de rouvrir la réflexion sur le transport en commun après avoir abandonné la première mouture du projet de service rapide par bus. La ville avait alors mandaté l'Institut du Nouveau Monde afin d'organiser ces consultations qui se dérouleront plus de 8 ans après le dépôt du plan de mobilité durable de la ville de Québec. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est du soleil et des nuages aujourd'hui avec 40% de probabilité d'averse cet après-midi. Il fera un maximum de 9 degrés. Demain, mercredi, une belle journée sous le soleil avec 22 degrés. 19 degrés jeudi avec une alternance de soleil et de nuages. Et de la pluie pour vendredi. Présentement à Québec, il fait 14 degrés. C'est généralement nuageux.